J'ai passé au travers de tout mon secondaire. La corde au cou, je me tenais, ça m'ouvrait une plaie. Le temps encore s'écoule, je me ramasse dans une foule. Petit gars assis derrière la classe, oui, c'est bien moi. L'horloge avançait jamais, j'avais jamais des A. Des notes de marde, ça tient pas hier, je me voyais en enfer. Je vois pas de seconde qui avance, je serais pas trop mon enfant. J'ai hâte de crisser mon gars chez nous, avec ma mère, c'est pas top fou. Ma manière de penser est pas la même que la sienne. Ce qui faisait qu'on était tout le temps en train de se faire de la peine. Pis avec les filles, c'était pas toujours facile. Soit je leur parlais pas, ou sinon, ils étaient sur leur mobile. Je me suis essayé à plus qu'une, oui, je l'admets, mais pas beaucoup. Parce que j'étais resté stické sur une qui m'amenait aux anges. Ben oui, comment tu veux dire aux anges quand t'as attendu plus que moi pour te faire sacrer là? Là aujourd'hui, je veux plus jamais revenir en arrière. La seule chose qui compte, c'est le futur, je veux pas encore frapper un mur. Mais s'il y a encore le stress qui vient à moi, je te jure, je ferai pas bonne foi. Mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, ouais. C'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, mais c'est ma vie, ouais. C'est ma vie. Après une coupe de bière, je lève mon verre à tous ceux qui ont réussi à passer à travers le calvaire. Des fois, c'est pas toujours facile d'avancer, mais faut continuer à espérer. J'ai vu des dépressions, y'en a qui ont eu des leçons. J'ai quand même continué, j'ai quand même bougonné. Mais à ce temps, je suis debout, pis coûte que coûte, je suis ma route. J'ai la patate qui shake à chaque fois que je fais un fake. Ça me fait chier d'imaginer que parfois, j'suis encore blessé. Ça me fait se parendre, ça vient me chercher tout le temps. Mais t'inquiète, je fais plus face à mon passé. À ce temps, j'compte juste pour moi, pis coûte que coûte. Les autres, allez donc chier. C'est ma vie. Thank you.